donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z ici sur RIG 90.7 RIGFM.fr tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Aujourd'hui, invité spécial, pour l'occasion de la sortie de son livre Johnny par Jean-Philippe, je reçois avec grand plaisir Thibaut Geffrotin. Salut Thibaut, comment vas-tu? Salut Eric, salut à tous les Riggers, salut à tous les Bordelais, ça va très bien. Le Palois, c'est le Palois qui parle là. Exactement, je viens d'à côté. Ouais, comme je te dis, pas besoin de se recoiffer. Oui, c'est ça, c'est l'avantage de la radio. Bon, ça fait plaisir de te voir, enfin. Eh ben oui, c'est vrai. C'est jamais vu de visu. Ouais, depuis le temps qu'on parle et tout ça, depuis de nombreuses années, et puis en fin de compte, on se retrouve. Bon, ben écoute. Je suis content de faire ton émission. Hein. Je suis ravi de vous présenter mon livre Johnny par Jean-Philippe aujourd'hui et de parler de Johnny Hallyday sur Radio RIG. Je viens d'un pays où j'ai choisi de naître, un bout de paradis que tu connais peut-être. Je viens d'un endroit sans drapeau ni frontière, une terre sans loi où personne ne se perd. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi, j'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. Thibaut Geffrotin, l'auteur de Johnny par Jean-Philippe, dans l'émission Johnny de A à Z. On te reçoit pour le livre, et qui... Mais je l'ai lu, écoute, je l'ai lu en gros pratiquement d'une traite, ce livre-là. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi je le montre, alors je le montre parce que c'est de la radio. Pourquoi je le montre? Et écoute, j'étais ravi de retrouver toutes les interviews qu'il a pu donner tout au cours de sa carrière, Johnny. Et mais on va en parler un peu plus tard. On va te poser la première question déjà, c'est comment as-tu découvert Johnny ? La toute première fois, c'est via un album que mes parents avaient chez eux, c'est l'album Gang. Puisque donc moi je suis né en 1989, donc je suis un peu parmi les dernières générations de fans de Johnny. Mes parents sont pas des fans de Johnny, mais ils avaient des disques de chansons françaises comme tout le monde, de Johnny, d'Eddie Mitchell, de Patrick Bruel, etc., etc., etc. Et donc celui de Johnny a retenu mon attention. À ce moment-là, pas spécialement plus qu'un autre, je l'écoutais, j'aimais, mais j'aimais aussi d'autres choses et j'étais pas encore fan. Et je suis devenu fan en découvrant la cassette vidéo du Stade de France 98 que j'avais emprunté à la médiathèque de mon collège. Et là, ça a été le début de mon histoire avec Johnny, où j'ai été fasciné par sa voix, par ses costumes, par son charisme, par le duo qu'il fait avec Patrick Bruel ce soir-là. Et puis je sais que j'avais vraiment adoré. Je revenais en arrière pour revoir le duo au fur et à mesure. Et tout est parti de là. C'est vrai que le duo avec Patrick Bruel était très émouvant. Ouais, il y avait un truc, c'était fort. Il se regardait, il se répondait, il se tombe dans les bras à la fin, et je trouvais qu'il se passait quelque chose. Ah ben, hey, moi j'y étais, moi. La chance, quoi. Alors, moi j'avais 9 ans. J'y étais le 4 septembre, voilà, hein. La soirée annulée, puis donc je suis retourné le dimanche suivant. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé, vraiment c'était un très très bon concert. Ce n'est pas mon préféré, hein, ce n'est pas mon préféré. Mais pour tous ceux qui ne connaissaient pas Johnny auparavant, c'est vrai que ce concert du Stade de France, c'est une référence pour une nouvelle génération, c'est sûr. Ouais, c'est grandiose, c'est absolument grandiose dans son look en plus. Enfin, c'est, pour moi, l'époque 98-2000, c'est là où Johnny est le plus beau. Il est extraordinaire avec son nouveau look qui s'était fait cette année-là. C'est un Johnny exceptionnel, et donc quand on est enfant et qu'on découvre ça, on ne peut que devenir fan. C'est qu'il y avait peur que les autres me voient comme je vois les autres. J'avais si peur de moi. Et puis je sais, si peur de moi. Amour. voiture qui s'enfuit et déchire la nuit. Voilà ce qu'est ta vie. Voilà tout ce qu'elle m'avait dit, cette fille d'une nuit qui m'a mis le cœur en déroute. Je la cherche chaque nuit, chaque jour, sans elle je suis toujours le chanteur sans amour. Je la cherche chaque nuit, chaque jour, sans elle je suis toujours le chanteur sans amour. Et donc, ton premier concert, c'est lequel ? C'était quand ? Mon premier concert, c'est Flashback Tour. C'est au Zénith de Pau. Mmh. Alors, la petite histoire, c'est que je n'avais pas eu de chance parce que c'était programmé en novembre 2006 et c'est tombé sur les quelques jours. Et je crois qu'au concert de Bordeaux, il y avait eu un souci aussi. C'est tombé sur les quelques jours où Johnny a eu une bronchite. Et donc, je crois d'ailleurs que le concert de Bordeaux avait été écourté, si je me souviens exactement. Bien. Exactement. Et ouais, j'y étais, il a été écourté. Et de suite, on a vu que la voix n'y était plus du tout. Hein. Voilà, de suite. Et là, j'ai dit. Et là, j'ai dit, je me suis dit, c'est pas du tout le concert qu'il avait donné au Palais des Sports. Et puis, donc, je crois qu'on avait eu qu'une heure et demie de concert, justement. Et donc, moi, j'avais lu dans le journal que le concert de Bordeaux est courté. Bon, et puis, concert de Pau annulé. Donc, je me suis dit, mince, je vais jamais le voir. Tu sais, c'est la réaction quand t'es jeune. Et jamais à ce moment-là, j'imaginais que j'allais le voir si souvent et que j'allais devenir un spécialiste de Johnny, que j'allais connaître tout par cœur, puisque j'avais 17 ans. Je me disais, il vient pas, je vais jamais le voir, quoi. Et puis heureusement, ils ont reprogrammé le concert au début du mois de janvier. Et c'est là que j'ai découvert Johnny avec la première chanson qui était L'Envie. Petit clin d'œil d'ailleurs au premier album que j'avais, avec L'Envie qui ouvre l'album Gang. Et je me souviens du moment où Johnny entre. Ben les fans qui t'écoutent connaissent forcément la version L'Envie du Flashback Tour avec les arrangements où Johnny démarre presque a cappella, juste avec la petite musique derrière. Il entre avec une cape, il est comme une ombre derrière le rideau, c'était impressionnant. Et d'abord je me disais, mais est-ce que c'est vraiment lui cette ombre qui est là? Et ensuite, lorsqu'on entend sa voix résonner, qu'on me donne l'obscurité puis la lumière, cette question que je me dis, mais c'est vraiment sa voix en vrai, enfin, après l'avoir écouté pendant tant d'années et tant d'heures dans ma chambre. Est-ce que c'est vraiment lui? Et ben oui, c'est vraiment lui, quoi. Et donc ça c'est mon premier concert. C'était le 14 janvier 2007. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le foie pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Oui. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit. Pour que j'aime aujourd'hui, oubliez-les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie. Moi j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix et qui font l'envie de vivre et de désirer le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie et qu'on arrive à ma vie. Tu es allé le voir après, tu as fait d'autres concerts de cette période-là, de la période Flashback Tour? Non, Flashback c'était le seul, et ensuite j'ai dû attendre le Tour 66, où là je me suis dit, étant donné que Johnny avait annoncé sa tournée d'adieu, donc forcément, là j'y croyais encore moins que j'allais voir Johnny 70 fois sur scène à ce moment-là. Donc je me dis, c'est pas possible, il faut que je prenne le Stade de France, il faut que j'aille voir Johnny à Paris. Donc je prends un billet pour le Stade de France, et puis finalement, quand je suis aux locations dans le magasin Carrefour ce jour-là, je me souviens, je dis à mon père, écoute, je ne vais pas aller à Paris pour un concert, autant prendre le deuxième aussi. Et puis finalement, ils ont ouvert le troisième, la troisième date après, je dis, bah, puisqu'on monte à Paris, bah, autant aller le voir trois fois. Mais bien donc, sûr. J'ai fait trois Stades de France, et je l'avais vu à Bordeaux aussi, au Tour 66, au mois de juin, au Parc Lescure, puisque c'était, voilà, c'était tout près de Pau, donc c'était facile. C'était facile à faire en train. Ah bah oui, mais on s'est pas vu. On s'est pas vu à Bordeaux. Et non. Faut dire qu'on était nombreux. Oui, c'est ça. Thibaut Geffrotin, l'auteur de Johnny par Jean-Philippe, dans l'émission Johnny de A à Z. Même la nuit, j'en voudrais d'être blanche, blanche quand le corps d'un homme gît, noir entre quatre planches. Parfois même les cris ne couvrent pas le silence, malgré les flammes des bougies. L'obscurité avance, et noir comme la colère qui gronde dehors. Le soir en comptant les balles dans la peau. peau de Mike Brown. Dans la peau de Mike Brown. C'est comme l'histoire qui penche, le retour des temps maudits, les étranges fruits aux branches, noir comme la couleur de tous les torts. Le soir en comptant les balles, dans la peau de quand on s'endort, le soir en comptant les balles, dans la peau de Mike Brown, dans la peau de Mike Brown. Dans la peau de Donc, tu es des formations journalistiques ? Exactement. Je suis journaliste spécialisé dans le sport et puis maintenant dans la musique via Johnny. Quoi. Ben oui. Et tu as rencontré Johnny Hallyday, tu l'as interviewé. À quelle occasion ? Dis-moi. C'était en 2012, c'était pendant la tournée d'hiver 2012. En fait, j'étais en école de journalisme à ce moment-là. Et donc forcément, dans l'école, tout le monde savait que j'étais fan de Johnny parce qu'on était en pleine tournée. Donc, il pouvait m'arriver parfois le vendredi matin d'arriver à l'école avec une tante Quechua, puisque le week-end après, je partais au Zénith et on dormait sur place avec mes copains pour pouvoir être au premier rang. Donc, on dormait la veille devant le Zénith. Donc, bref, tout le monde savait que j'étais fan. Et du coup, j'ai un prof qui m'a dit, écoute, puisque tu es fan de Johnny, sers-toi de ta passion dans ton métier et... essaye d'aller faire une interview de Johnny. Et je lui dis, mais t'es complètement fou, j'y arriverai pas, je suis étudiant, comment est-ce que je vais pouvoir avoir accès à Johnny? Il me dit, bah, écoute, vas-y, tente le coup, je te mettrai une note bonus, vas-y. Donc j'essaye, et donc là je contacte les gens qui sont proches de Johnny, les attachés de presse, le théâtre Édouard VII, puisqu'il faisait le théâtre à ce moment-là. Et à chaque fois je tombais sur un mur, parce qu'évidemment c'est très compliqué d'obtenir une interview de Johnny Hallyday. Il était tellement demandé et puis surtout j'avais pas vraiment de publication et finalement ça a décollé à l'été 2012 puisque j'étais en stage à la République des Pyrénées à Pau. Je travaillais pour eux tout l'été à la moitié de mon école de journalisme et je vais au Big Festival à Biarritz que certains Bordelais connaissent peut-être s'ils y vont l'été. Puisque ce festival était dirigé par Sébastien Farran, le manager de Johnny. Et je me dis, allez, pourquoi pas, je tente le coup, je vais le voir. Et donc Sébastien Farran était quelqu'un de très accessible, il buvait une bière avec des copains, je vais le voir. J'avais un t-shirt Smet d'ailleurs ce jour-là, donc il m'avait repéré assez facilement. Puisque je lui avais dit, je suis fan de Johnny, il m'avait répondu, ça se voit. Et je lui avais dit au culot, ben voilà, je suis étudiant en journalisme et fan de Johnny, je voudrais faire une interview de Johnny. Et à ma grande surprise, Sébastien m'a répondu de manière très sympathique et très simple, pas de souci. Je sais pas quand, mais je te promets, on va le faire. Donc, il me donne son mail. Et donc moi je sors de là en me disant c'est génial, et d'un côté en me disant est-ce que vraiment on va la faire, ou est-ce qu'il m'a pas dit ça pour être tranquille. À la fois j'étais content, à la fois j'avais pas totalement confiance, quoi. Et donc ça a mis beaucoup de temps, j'ai pas eu de nouvelles jusqu'au mois de novembre. Et au début du mois de novembre, je reçois un coup de téléphone d'une attachée de presse qui me dit « Monsieur Farran nous a demandé si vous étiez disponible pour venir à Amiens demain soir au Zénith pour interviewer Johnny Hallyday après le concert. » Donc là, moi, j'ai pas réfléchi, je savais pas si j'étais disponible, mais j'ai dit « Bien sûr, je viens. » Et donc, ça s'est organisé très vite, j'ai pris mon billet de train, ça m'a fait un concert de plus, hein, puisque j'ai assisté au concert avant l'interview. C'était un concert qui n'était pas prévu initialement dans ma tournée, mais du coup, je l'ai rajouté. Et j'ai pu faire cette interview donc dans sa loge, juste après le concert, où j'ai été reçu par Johnny pendant un quart d'heure. Thibaut Geffrotin, l'auteur de Johnny par Jean-Philippe, dans l'émission Johnny de A à Z. Je ne suis pas cette photo qu'on accroche au mur. Je ne suis pas ce garçon-là que l'on défigure. Je ne suis pas ce Superman pour des aventures de cinéma. Oh, j'ai moi aussi envie de vivre libre au soleil. Prier les stars dans le ciel, les stars, les vrais, et leurs secrets, oh, me font rêver. Chaque jour, ma seule nourriture, mon seul recours, c'est ma seule âme et ma seule armure, l'amour de frère et ses secrets me font rêver. Et j'ai pu faire cette interview donc dans sa loge, juste après le concert, où j'ai été reçu par Johnny pendant un quart d'heure. En tête à tête, on était tous les deux, puisque Laetitia n'était pas là, et Sébastien Farran était sorti de l'autre côté de la loge pour nous laisser parler, donc on était vraiment rien que lui et moi. Ah, le moment privilégié. Ah, c'était incroyable. C'était stressant, hein, je peux te dire. Tu m'étonnes. Avant d'entrer, je tremblais. J'avais croisé un garde du corps, Pistache, qui se moquait un peu de moi, qui me faisait un clin d'œil, qui comprenait que j'étais un peu stressé. Et puis, quand je suis entré, je tremblais encore plus. J'ai vu d'abord, tu sais, Johnny, il était souvent face à son miroir dans la loge. Et donc, quand je suis entré, il était face à son miroir, justement. Il venait de se faire démaquiller, etc. Et donc j'ai d'abord vu son visage, je l'ai vu de dos, et puis là il s'est retourné. Et bizarrement, c'est quand je l'ai eu en face de moi que j'ai presque eu le moins peur parce qu'il a été tellement gentil avec moi que, alors, est-ce qu'il savait que j'étais fan, ou est-ce qu'il l'avait deviné, ou est-ce que ça se voyait, ou est-ce que c'est parce que j'étais jeune, j'en sais rien, je saurais jamais. Mais en tout cas, il m'a tendu la main, il m'a souri, il m'a demandé comment j'allais, il m'a invité à m'asseoir sur son canapé, il m'a offert un bonbon, parce qu'il mangeait des bonbons. Mentos au citron, d'ailleurs, hein, à tous les fans, voilà. Allez acheter des Mentos au citron, Johnny adorait. Et du coup, il m'a mis à l'aise. Donc, évidemment, j'étais quand même stressé pendant toute l'interview, mais il a réussi à me mettre à l'aise par sa gentillesse. C'est ça qui était fou. Il avait ce don-là, justement, de mettre à l'aise à tous les gens, hein. Parce que lui aussi, comme il disait, il était un grand timide, donc il mettait aussitôt à l'aise tout le monde pour pas que, au moins pour qu'il y ait une petite conversation, hein, parce que si on reste bloqué, à quoi ça sert, hein. Voilà, exactement. Surtout que le temps, il est très compté. Ah bah oui, on avait un petit quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, c'est Sébastien Farran qui était arrivé dans le dos de Johnny pour me faire signe, on s'arrête avec les mains. Et Johnny, tellement gentil d'ailleurs, qu'il n'avait pas vu le signe de son manager. Donc moi, je dis, ben voilà, merci beaucoup, Johnny. Et Johnny me dit, on peut continuer si vous voulez. Donc bon, moi, je ne voulant pas abuser, j'ai dit non, je vous remercie, j'ai toutes les réponses qu'il faut. Et là, on a fait une photo. Et l'anecdote qui est très drôle, c'est que donc moi, je suis assez grand, je fais 1m90, donc un peu plus grand que Johnny. Et au moment où on se lève, Johnny ne s'était pas rendu compte que j'étais plus grand que lui. Et au moment où on se lève, il se tourne vers moi et il me dit, il regarde son manager, il dit, mais il est grand lui. Et ce qui est formidable, c'est que du coup, Johnny a un grand sourire à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que son manager appuie sur l'appareil photo et nous prend en photo. Bah, et du coup, j'ai une super photo de Johnny très, très souriant, quoi. Bah, c'est super. Et après, il était tellement gentil que tu sais combien de photos il m'a dédicacé ? Je vais en demander une. Hein. Mmh. Il m'en a dédicacé 7. parce que j'en avais amené plein au cas où, tu sais, si jamais je les abîmais ou un truc comme ça, j'en avais fait tirer plein. Et du coup, lui, en signant les photos, il voit les autres. Et au bout de 3 ou 4, moi, je lui dis, c'est bon, vous inquiétez pas, tu as peur de le déranger. Quoi. Bien sûr. Normal. Quoi. Et il me dit, oh, vous les donnerez à qui vous voulez. Des superbes souvenirs, ça. Ah bah ouais. Souvenirs. Et encore, t'en dis plus que dans ton livre, justement. On retrouve l'histoire dans le livre. Et je ressemble à quoi ? Et je ressemble à quoi ? Avec cette guitare. Hey Joe, j'ai pour toucher du bois. Thibaut Geoffrotin, l'auteur de Johnny par Jean-Philippe, dans l'émission Johnny de A à Z. Mais tu l'avais aussi interviewé en décembre 2011. Oui, ça c'était la conférence de presse. C'était dans la conférence de presse de la Tour Eiffel, où voilà, c'était une histoire de fou aussi. Il fallait être accrédité pour les journalistes devaient être accrédités, bien entendu. Et du coup, encore une fois, moi j'étais étudiant, donc j'avais pas de médias, donc je pouvais pas être accrédité. Mmh. Et du coup, j'ai créé un blog à cette occasion et j'ai écrit plein d'articles sur Johnny. Et j'ai contacté la production en disant que j'écrivais un blog sur la tournée de Johnny. Voilà, ce qui était au départ complètement faux. J'en ai fait quelques-uns, mais c'était pas prévu. Mais du coup, ça m'a permis d'avoir cette place à la conférence de presse. Et j'avais posé deux questions à Johnny, l'une sur ses musiciens et l'autre sur la pièce de théâtre. Mmh. Et Johnny, c'était assez fou parce que je fais beaucoup de conférences de presse et parfois les gens, comme il y a beaucoup de gens, de journalistes en face d'eux, ils répondent à tout le monde. Mmh. Et Johnny, lui, quand quelqu'un lui posait une question, il regardait cette personne dans sa réponse, dans les yeux, tout au long de sa réponse. C'est-à-dire que s'il parlait pendant 2 minutes, il regardait cette personne dans les yeux. Mmh. Et du coup, j'ai eu un échange donc, de regards pendant que Johnny me répondait. Il me répondait en me regardant. Donc les fans le savent, quand on est en concert et que Johnny nous regardait dans les yeux, déjà c'était très fort, quand c'était sur un Que je t'aime pour les filles ou un Ma gueule pour les hommes. Mais du coup, quand ça se prolonge encore plus et que t'as l'impression que Johnny te parle, c'était la première fois parce que c'était avant mon interview ça, et donc c'était assez impressionnant, quoi. Et le truc génial, c'est que il s'était mis à chantonner pendant 10 secondes puisque je lui ai demandé... Ma question était sur les musiciens, il me raconte sa rencontre avec Harold Poupeau, qui intégrait le groupe à ce moment-là. Mmh. Et donc, il m'explique c'était la première fois qu'il avait rencontré Harold sur le tournage de Jean-Philippe. Et que comme c'était du playback, quand ils font la fameuse scène du Stade de France, là où ils étaient sur un parking en réalité, avec quelques fans qui faisaient les figurants. Et du coup, entre les scènes, comme c'est toujours très long, Johnny et Harold, ils avaient vraiment branché les guitares et ils jouaient pour de vrai. Mmh. Et donc, Johnny me dit, on chantait Blueberry Hill. Et du coup, il se met à chanter le refrain de Blueberry Hill, quoi, en me regardant. Et ça, c'était incroyable. Ça, c'est des trucs qui n'auront plus jamais lieu. Non, ça, c'est sûr. Et puis, je pense aussi que quand on pose des questions différentes un peu, parce que c'est vrai qu'il y a des questions récurrentes de la part des journalistes. Je lisais le truc, est-ce que vous allez tourner ici? Est-ce que vous allez tourner là? Est-ce que vous allez dans telle ou telle ville? C'est des choses qui sont peu intéressantes. Il y a des questions qui seront plus à même d'intéresser Johnny Hallyday de répondre. Mais oui, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est rigolo et c'est ce que je retranscris dans la courbe de presse dans mon livre de 2011. Il y a plein de journalistes qui posent des questions trop précises à Johnny. Qu'est-ce que vous allez nous faire comme surprise dans telle ville? Et Johnny, on sait très bien, nous, les fans, comment il était. Il ne savait pas dans quelle ville il allait chanter un an à l'avance, il n'en savait rien. Tout ce qu'il avait dit à son producteur, c'est « je suis disponible sur l'année 2012 de temps à temps pour faire des concerts et débrouille-toi pour me mettre autant de concerts que tu veux ». Et donc, du coup, il y a des journalistes qui lui disent « Ah, vous avez prévu une petite surprise pour Grenoble ?» Et Johnny, il dit « je sais pas, il se tourne vers Gilbert Poulet, il dit « On y va, Grenoble ?» Et c'est ça à chaque fois, parce que les journalistes de presse régionale, forcément, avaient envie d'entendre Johnny parler de leur ville, sauf que un an à l'avance, Johnny, il avait rien à en dire, quoi. Donc, il fallait lui faire parler de musique, de cinéma, de choses... Moi, je me souviens que dans mon interview, la question que Johnny avait bien aimée, je l'avais vue dans son regard... Mm-hmm. Il venait de sortir l'album Latente, donc avec un tableau de Hopper, et je lui avais dit pourquoi avoir chanté Hopper, et je lui avais dit votre ami Eddie Mitchell a déjà chanté une chanson sur Norman Rockwell, un portrait de Norman Rockwell, et du coup j'avais vu que son regard s'était illuminé, que ça l'intéressait du coup parler de ça, parce que du coup il m'avait parlé de l'Amérique, de toute cette Amérique qu'il aimait, etc. Quoi. Parce que lui, Johnny, il en avait marre, comme nous, on en aurait marre à sa place, des gens qui lui disaient « Alors, monsieur Hallyday, vous êtes en forme, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas fatigué. » C'est ça, de toute façon, il adorait parler musique, justement. Exactement. Il y a une interview, d'ailleurs, qui est incroyable dans le livre, qui donne à Nashville ou à Memphis, en 1975, quand il tourne sa trilogie d'albums. Mmh. Là, mais il parle vraiment de musique, de ses inspirations de rock américain. Et c'est passionnant de d'écouter ça et de lire ça. C'est ce que je veux dire, va pas te faire plaisir, en tout cas ne va pas faire plaisir à Michel. Mais si on traduit littéralement, cowboy, ça veut dire garçon vaché. Alors, la musique gardien de vache.

Avant tes deux ouvrages, tu as travaillé pour la collection Hachette avec Jean-François Chenu. Oui, absolument. Alors ça, c'est un grand cadeau que m'a fait Jean-François Chenu en me proposant de l'accompagner dans l'écriture. C'est lui vraiment qui m'a mis le pied à l'étrier. Je me souviens, un soir, on était ensemble et il me dit « Est-ce que ça te dirait d'écrire sur Johnny ?» Donc là, je n'ai pas réfléchi un millième de seconde, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit « Évidemment !» Et donc, tout de suite, on est parti là-dessus. Et j'ai écrit donc 73 volumes de la collection Hachette, puisque elle est en train de sortir, mais on a déjà fini une bonne partie de l'écriture avec Jean-François. Donc on s'est réparti l'écriture de ces livrets avec chaque fascicule qui raconte chaque album. Et ça, c'était passionnant parce que déjà, ça m'a appris plein de choses sur certains albums que j'aurais pu moins connaître. Par exemple, l'album Hamlet, que je connaissais de très très loin. Mais là, j'ai passé une semaine, j'étais que dans Hamlet. Pour l'amour, vous n'avez plus l'âge. Votre sang est devenu sage. Votre chair est devenue molle. Et vos seins se rapprochent du sol. Pour l'amour, vous n'avez plus l'âge. Vous ne savez plus faire naufrage. Vous n'avez plus l'eau à la bouche, ni la tempête quand on vous touche. Arrêtez de tordre vos mains. Je ne crois pas à vos chagrins. Les crocodiles pleurent comme vous. Oh, laissez-moi tordre votre cou. Pour l'amour, votre corps est un marécage. Le moindre souffle y fait des plis. Il sent la vase et le moisi. Pour l'amour, vous n'avez plus l'âge. Pourquoi pisser mariage? Pourquoi vous maquillez d'ivresse? Vous étiez si belle en tendresse. Arrêtez de tordre vos mains. Je ne crois pas à vos chagrins. Les crocodiles pleurent comme vous. Oh, laissez-moi tordre votre cou. Arrêtez de tordre vos mains. Je ne crois pas à vos chagrins. J'ai lu d'abord le Hamlet de Shakespeare. Bien sûr. Puisque je pense qu'on ne peut pas comprendre le Hamlet de Johnny sans comprendre le Hamlet de Shakespeare. Et une fois qu'on a lu le Hamlet de Shakespeare, le Hamlet de Gilles Thibault et de Johnny, il découle tout seul, on comprend tout. On comprend quand c'est Johnny qui parle, quand c'est les petites voix qui parlent. Et donc ça, cette collection m'a permis vraiment de me mettre à fond dans tous ces albums. de discuter avec beaucoup de paroliers ou de producteurs pour comprendre l'origine de chansons, etc. Voilà, il y a par exemple Michel Mallory, il est fantastique. Quand j'écrivais, je pouvais lui envoyer un texto pour lui demander une petite question sur, sur l'origine d'une chanson. Et il me répondait toujours, Pierre Billon, pareil. Donc, c'était génial. Tu correspondais avec eux justement directement pour cette collection. Ouais, pour avoir l'info en plus. Ouais. Par exemple, Salut Charlie. J'avais envie vraiment de savoir pour qui il avait écrit cette chanson. Donc comme ça, il m'a raconté toute l'histoire. Pareil, Pierre Billon, quand il a écrit les chansons comme Vietnam Vet, comme Rouler vers l'Ouest ou même comme Drôle de métier, c'était toujours des chansons qui avaient une histoire et Johnny était partie prenante de cette histoire. Donc Pierre m'a raconté, cette chanson, on l'a écrite après le road trip, ou Drôle de métier, c'était après que j'ai été chercher Johnny devant chez lui, parce que Laura était un petit bébé, donc du coup, lundi 12h30, il fait un froid de chien, ma fille a pleuré cette nuit, c'était deux, trois phrases que Johnny avait balancées dans la voiture, comme ça, à Billon, avant qu'il parte en tournée ou en studio, et Billon l'a noté dans sa tête, comme il sait bien le faire, et après, il en a fait une chanson. Lundi 12h30, dehors il fait un froid de chien. Et ma fille a pleuré cette nuit. J'ai encore le goût du café crème, j'ai froid aux mains. Sur les vitres pleure la pluie. Et du coup, pour cette collection, avec tous les auteurs qui sont toujours là et avec qui je peux être en contact, et à qui ça fait plaisir de répondre, ça a permis de raconter des histoires, des vraies histoires, quoi. La vraie histoire des chansons, quoi. Et ça donne un peu peut-être le sujet d'un troisième livre, ça. Ah, ça pourrait, ça c'est sûr. Tu me donnes une bonne idée. Tu sais que moi j'avais l'idée, je ne me suis jamais après lancé dans le sujet, mais ce que je voulais, moi, c'était avoir l'ambiance qu'il y avait dans les studios d'enregistrement. Parce qu'on en parle très très peu, en fait, de compte. Des parties, alors c'est vrai que des fois, il y a des périodes, je pense, dans les périodes de Londres, de London Sound Studio, tous jouaient en même temps. Les musiciens, Johnny chantait en même temps, c'était en gros le groupe qui jouait. Ouais. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup plus à raconter qu'après dans les dernières années, où que là, la bande de son était déjà plaquée, Johnny avait juste à poser sa voix dessus. Et là, je pense qu'avec la période Mallory ou la période Mickey Jones, je pense qu'il y a de quoi dire, de connaître l'ambiance dans les studios d'enregistrement. C'est vrai qu'il y a plein de choses à raconter. Il y en a un qui m'a raconté pas mal d'histoires, c'est Eric Boyd, le Carcassonnet, qui était à Nashville. Oui. Au milieu des années 80, et lui qui me racontait parfois la difficulté d'enregistrer, d'avoir Johnny à l'heure, parce que du coup, Johnny, il n'arrivait pas à l'heure pour les enregistrements, ou alors qu'il s'était baladé, il avait été voir, je crois, c'était Shelby Singleton qui était pas loin, et du coup, il revenait après quelques verres de vodka, il n'était plus trop en état de faire les enregistrements, donc c'est sûr que... Il n'y a plus de voix, là, il boit d'alcool, c'est fini, la voix. Et c'est vrai que même dans les années 2000, il y a des histoires intéressantes sur... aussi, même s'il arrivait que tout était prêt, parfois Johnny il avait envie de changer un truc au dernier moment. Et c'est Isabelle Bernal qui me l'a raconté, qui a écrit Seul, qui a écrit Rester vivant, qui a écrit Regarde-nous. Et comme Isabelle Bernal, elle habitait à Los Angeles, et ça, je raconte ces histoires, c'est dans le premier livre, dans Une étoile dans nos yeux, que j'avais raconté dans le chapitre 2, cette histoire, où du coup, à Los Angeles, elle venait, comme elle habitait sur place, elle assistait aux enregistrements. Et Johnny venait toujours échanger avec elle par rapport au texte et parfois lui suggérer de changer un mot, de changer une phrase, de raturer parce que Johnny préférait une sonorité ou une autre. Et ça a été le cas également pour la chanson « Te voir grandir » qu'a écrit Pierre-Dominique Burgot, où Johnny, au départ, la chanson était un peu plus sur le temps qui passe, un peu plus négative, un peu plus nostalgique. C'était plus mince, je vois mes filles grandir et je me vois vieillir. Et Johnny avait dit à Pierre-Dominique Burgot qu'il voulait quelque chose de plus positif, qu'il avait qu'il voulait pas trop s'étendre sur ça et que ok, il voulait bien chanter le temps qui passe, mais plutôt dans le fait de voir grandir ses filles que de se voir vieillir à lui. Et du coup, il avait fait changer quelques mots. Je crois que dans la première version du texte, au départ, c'était et voir le temps qui passe dans une autre glace, quelque chose comme ça, plus négatif en tout cas. Et c'est vrai que l'ambiance de ces studios, on n'imagine pas forcément Johnny avant d'enregistrer une chanson, aller discuter avec un auteur. Bien sûr. Thibaut Geffrotin, l'auteur de Johnny par Jean-Philippe, dans l'émission Johnny de la Z. J'ai 15 ans et les poussières, les hormones en travers. De la gorge, ça me travaille. Je suis un vrai champ de bataille. J'apprends la vie à l'envers sur une imitation Fender. Qu'est-ce que je vais café de l'avenir? Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? Et je trinque au temps présent sur le zinc de mes 20 ans. Où tu suis le chemin tracé, où tu te fais aider. Le compte en banque à zéro, va falloir trouver du boulot. Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? L'amour croise ma route, je les voudrais toutes. Je la joue romantique ou perdant magnifique. De l'avenir, qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? Du bar, je regarde la rue, je me suis mis minable pour avoir l'air respectable. Dans les valises sous les yeux, une lettre commandée. Mon vieux 50 ans passé, si j'en vois tout chier, assis sur mes convictions, je reste comme un con. Je me suis pas vu vieillir, j'ai pas vu le tout venir. Le temps d'un dernier verre, on va bientôt fermer. Je me prépare à partir, mais on venait juste de commencer. Et justement, c'est ça, même si Johnny n'écrivait pas les paroles, au moins il s'impliquait dans le texte. Et puis donc lui, évidemment, vu qu'il a la fibre musicale, il sait très bien les mots qui vont chanter, qui vont mieux... Même lui, dans son vocabulaire, on va dire aussi, par rapport à son vocabulaire qu'il utilise, il va mieux s'approprier des mots que d'autres mots. Exactement. Et Johnny a des trucs, des sonorités qui lui plaisaient de chanter, et d'autres qu'il n'aimait pas. Mmh. Tu sais, dans l'album Lorada... la chanson qui a été écrite par le groupe Canada. Oui, si oui. C'était toute l'équipe Canada, justement, voilà. Dans le Rada avec Goldman. C'était toute l'équipe. Et donc, il y a une chanson. C'est la chanson que le groupe Canada avait déjà. Ne m'oublie pas. Et donc, si tu écoutes la version Ne m'oublie pas du groupe Canada, que le groupe Canada avait enregistrée un an ou deux ans avant, et la version de Johnny, il a fait changer une phrase qui ne lui plaisait pas. Mais je ne me souviens plus de celle-là, et ça fait longtemps que je n'ai pas écouté la version. Ton regard d'oiseau sans branche, un truc comme ça. D'accord. Mais voilà, il a fait changer une phrase et ça nous montre que Johnny, même s'il pouvait arriver en studio, que tout était prêt, que tout était fait, s'il y avait un truc qu'il voulait pas chanter, bah, il disait « changez-moi cette phrase ». Ouais. Donc là, l'auteur, il arrivait, bah, il se mettait sur son texte et il adaptait. Quoi. C'est le patron, c'est tout. Hein. Exactement. Ouais, c'est ce que disent tous les auteurs, compositeurs, musiciens, producteurs, que Johnny décidait tout de A à Z, quoi qu'il arrive, même s'il y avait toujours un million de personnes pour lui dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Et que même si parfois il finissait par écouter parce qu'il avait envie que l'album marche, parce qu'il voulait évidemment que ce soit grand public, parce qu'il voulait vendre beaucoup d'albums, etc. Mais il imposait quand même toujours ses idées, quoi. Et il avait toujours la validation finale. Même si, grâce à son intelligence, il était capable de se dire peut-être que lui, là, il a raison. Mmh. Et que s'il me dit que cette chanson, ça va plaire, c'est que ça va plaire. Le rond-point à Châtellerault, les néons café désert, un aquarium, un mégot, mon visage sur un poster. Je ne connaîtrai jamais la fermeture à minuit, la vie des gens qui m'aimaient n'aura pas été ma vie. Les hélicoptères, les avions, les nuits, une vie à l'envers je vis. Les échangeurs, le trajet, le péage, la Ford Escort, la poche arrière, le billet, 15 heures, ouverture des portes, et les stands et la buvette. Moi je n'y suis pas allé, ces briquets, ces allumettes, je ne les ai pas allumées. Les hélicoptères, les avions, les nuits, une vie à l'envers je vis. Les hélicoptères, les avions, les nuits, une vie à l'envers je vis. Tatouage sur l'avant-bras, ce prénom je le connais. Pourtant je ne m'habitue pas, je ne m'y ferai jamais. Les hélicoptères, les avions, les nuits, une vie à l'envers je vis. À l'envers, je vis. La question alors, c'est pour qui était destinée la chanson Salut Charlie ? Parce qu'on parle de plein de personnes, justement. Elle a été dédiée, je ne sais pas, c'était pour un cuisinier. Après, on dit que c'était pour un ami de Michel Mallory, justement. Après, on parle de tellement de personnes. Qui est ce fameux Charlie ? Alors, je vais te le dire, c'est très simple. Qui est Charlie de Salut Charlie ? C'est Michel Mallory qui me l'a expliqué, et c'est ce qu'on a écrit avec,

Et le gouffre intergénérationnel qu'il y a entre les deux, hein, eux, ils se comprennent pas du tout. Et cette interview avec Lise Payette au Québec en 74, où là, carrément, mais Johnny, ben, il est furax, quoi, parce que ça lui plaît pas du tout. Il est fermé. Il en a marre. Il faut dire qu'il tombe contre une journaliste qui a strictement rien compris. Parce que vous verrez, en lisant l'interview, elle lui suggère que dans 2 ou 3 ans, il faut qu'il arrête de s'habiller en cow-boy et qu'il arrête de chanter du rock'n'roll. Alors qu'il va encore continuer à en chanter pendant 40 ans. Donc elle a absolument rien compris. Mais du coup, il ne se force pas du tout à être gentil, quoi. C'est que il répond à côté. Il y a 4 ou 5 questions d'affilée où il répond soit oui, soit non. Mm-hmm. Histoire de me faire comprendre, si tu n'arrêtes pas l'interview bientôt, je ne vais plus te répondre. Oui, je me barrais, je dois prendre une claque dans la gueule et puis je me barrais. C'est pas la première fois. Je me souviens, il y a 10 ans aussi, on disait facilement à l'idée, c'est écrasé, épuisé à la fin du spectacle. Oui. Ou alors ça faisait partie du spectacle, je ne sais pas bien. Vous ne trichez pas sur ce plan-là. Non. Quand vous vous écrasez, c'est que vraiment vous êtes épuisé. Oui, en plus je ne le fais pas exprès, parce qu'en plus, vis-à-vis du public, c'est jamais très bien de faire ça. Il vaut mieux être en santé. Oui. Est-ce que vous avez parlé de James Dean tout à l'heure et de Presley? Vous ne cherchez pas à finir comme James Dean? Non. Et vous ne courez pas nécessairement après? Je ne tiens pas à mourir. De toute façon, je vais mourir un jour. Oui, bien sûr. Mais on pourrait le penser si on vous regarde faire depuis 10 ou 12 ans. Il y a beaucoup d'excès dans cette vie. Mais je vis une vie qui est excessive. Oui, mais en même temps, si vous vivez 2 années dans une, vous risquez de vous retrouver maintenant à quoi? 60 ans presque. Non, pas, je pense pas. 60 ans de vie en 30, c'est pas mal. Oui, comme ça j'en vivrai beaucoup. Il faudrait prendre votre retraite. Non, je pense pas à la retraite. Vous avez pensé à mourir déjà? Il y a eu des moments. Oui. Oui. Pour des raisons précises. Est-ce que vous vous en souvenez maintenant? Pourquoi? Sur un moment de dépression. C'est ça, d'une fatigue. Oui, trop grande fatigue. Est-ce qu'il y a des gens pour vous aider dans ces moments-là? Oui, les mêmes gens qui sont là aujourd'hui. Qui sont fidèles? Oui. Et qui vous prennent comme vous êtes finalement? Oui. Est-ce que c'est facile à vivre? Non. Ça va jusqu'où? Ça va très loin. Et dans celle de 64, ce qui est génial, donc c'était pour le magazine Adam par Marguerite Duras, qui est une grande dame de la littérature. Ce qui est très intéressant, c'est que Johnny, 30 ou 40 ans plus tard, on l'a interrogé sur cette interview en 64 avec Marguerite Duras. Parce que dans cet entretien, Marguerite Duras, elle prend Johnny pour un imbécile. Elle se dit, et elle l'écrit d'ailleurs dans son journal, elle écrit « Ce jeune chanteur ne comprend pas ce que je veux lui dire ». Oui. Et Johnny, des années, 30 ans plus tard, a été interrogé sur ce moment avec Marguerite Duras. Il explique que lui comprenait ce qu'elle voulait dire, mais que pour lui, c'était Marguerite Duras qui ne le comprenait pas, lui. Mmh. Et donc, que ça n'avait aucun intérêt pour lui de répondre à quelqu'un qui ne cherchait pas à comprendre le phénomène Johnny Hallyday et le phénomène plus large des jeunes et du rock'n'roll. Et donc, il dit aucun rocker à l'époque n'aurait eu quelque chose à dire à Marguerite Duras. Elle ne perçoit pas la puissance du rock. Mmh. Et donc, en fait, on se rend compte que la grande Marguerite Duras, qui est un grand écrivain et il n'y a rien à dire là-dessus, eh bien, elle pensait être la plus intelligente face à Johnny Hallyday à ce moment-là, mais en vérité, c'était l'inverse. Et même si Johnny ne savait pas l'exprimer avec des magnifiques phrases et avec de la littérature, mais finalement, ce jour-là, c'était lui le plus intelligent des deux. Thibaut Geffrotin, l'auteur de Johnny par Jean-Philippe, dans l'émission Johnny de A à Z. Voici une chanson maintenant de Elvis, chanson qu'il avait enregistrée en 1956 sur le label Sun Records à Memphis, Tennessee. Et cette chanson s'appelle I'm Left, Your Right, She's Gone. So wrong. life to find, and I know that she never cared for me. When I thought I knew just what she knew, I guess I loved too far. Oh, you tried to tell me all along, she only breaks my heart. Well, right, I'm left, she's gone. Puis on le voit Johnny évoluer avec le temps, justement dans les périodes des années 60 où il est encore timide, hein, où il ne sait pas trop s'exprimer encore, qu'il préfère exprimer son corps ou sinon s'exprimer à travers la musique qu'avec les mots devant un journaliste. On le voit après dans les années 70 où il se sent un peu plus libéré, il se sent plus, on va dire un peu mode hippie en quelque sorte. Ouais. Tout est cool, tranquille, je vis ma vie. Bon, même si j'ai des problèmes avec le fisc, mais c'est bon, ça va passer. Voilà, il s'en fout. C'est vrai qu'il y a un vrai changement entre les premières interviews où il est un peu policé aussi, quoi. Il veut plaire aux gens, il explique qu'il n'aime pas quand il y a de la violence, etc. Parce qu'il veut gagner son public. Après, on est dans les années 70, Johnny, il a déjà plus rien à prouver à personne. Il a déjà presque plus rien à prouver. Et c'est sur scène, sinon. C'est sur scène qu'il veut prouver face à son public, mais face à un journaliste. Et puis après, il vient les années 80 où l'intelligentsia s'intéresse vraiment enfin à lui. Et puis après, t'as les années superstar où Johnny, dans les années 2000, après, il est intouchable. C'est-à-dire qu'en gros, on peut lui poser n'importe quelle question, même s'il se plante, même s'il répond à côté, il est adoubé, quoi. Exactement. Bah oui, c'est le Johnny Tour Eiffel, quoi. C'est exactement ça. Le monument de France, c'est sûr. Et puis, il y a le Johnny de 98 qui est intéressant aussi avec toutes les interviews qu'il a données. Alors ça, je t'avoue que tu me parlais tout à l'heure, comment t'as fait pour en mettre de côté? Oui. Là, j'ai vraiment été face à un problème parce que j'ai réussi à récupérer absolument toutes les interviews qu'il a données en 98. J'avais étalé tout ça sur mon bureau. Oui. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce qu'elles sont toutes bien. Mais si je les mets les unes à la suite des autres, ça n'a aucun intérêt parce qu'il, quand même, il redit forcément la même chose puisque les questions sont similaires. Mais elles valent toutes le coup. Donc du coup, plutôt que de retranscrire une ou deux interviews, j'en ai écrit un article et j'ai essayé d'analyser le plan de communication de Johnny de 1998, à partir de cet article où il avoue dans le journal Le Monde à Daniel Rondeau prendre de la cocaïne. Mais c'est le titre, on va dire en gros, les gens sont attachés uniquement qu'à ça. J'ai pris de la cocaïne, mais maintenant c'est du passé. Ils sont attachés qu'à ça, le reste après c'était un peu, je m'en fous quoi. Ils ont dit Johnny se drogue quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont arrêtés à ça. Mais Johnny, du coup, s'est servi de ça parce qu'on était en pleine communication pour l'album Ce que je sais et le Stade de France qui suivait. Et il le dit hein, d'ailleurs dans une interview que j'ai retrouvée qu'il a voulu monter un plan de communication façon groupe Oasis. Voilà, pour ceux qui connaissent bien le groupe de Manchester, il s'est inspiré d'eux en répondant à tout le monde. Alors c'est rigolo parce qu'il sort un petit peu les mêmes thèmes dans chaque interview tout en les exprimant différemment. Par exemple, quand il parle de la coke, en gros, il explique qu'il ne comprend pas pourquoi les gens s'indignent parce qu'il s'est drogué, alors qu'il y a des gens qui boivent énormément d'alcool tout le temps. Et donc, tu as une interview où il dit « il y a des gens qui s'arsouillent au pinard ou au rouge et on ne leur dit rien ». Et tu en as une autre où il dit « il y a des gens qui s'arsouillent avec du pastis ». Et donc, il a ses petites idées et il les distille. Et après, comme c'est Johnny et que Johnny, il est imprévisible, tu ne sais pas pourquoi, tu as 5 interviews où il va dire la même chose. Oui. Dans une autre, il dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il a dit, il n'a plus le même avis, alors que c'est une interview qui est donnée peut-être 10 jours après la précédente. Mais c'est le côté imprévisible de Johnny, et c'est ça qui est amusant. Et c'est ça que j'ai voulu analyser, parce que c'est ça aussi, Johnny, parfois, on peut pas le suivre, parce que on a du mal à le suivre, parce que lui-même, je pense, avait du mal à se suivre. Enfin, Jean-Philippe Smet avait du mal à suivre Johnny, ou inversement. Oui, ou sinon, à un moment, c'est Johnny qui parlait, et après, d'un côté, l'autre jour, c'était Jean-Philippe qui parlait, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Comme je t'avais marqué, toi, une petite note de ce que j'ai marqué. Très bonne transcription des différents articles de 98. Johnny a 55 ans, et se moque du qu'en dira-t-on. Il se sent libre et ne soucie plus du regard des autres. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec ton avis, avec ça. 98, il se sent libre, il se sent... Ouais, c'est ça, maintenant, c'est... Ouais. Il se sent peut-être plus à l'aise avec lui-même, plus à l'aise avec son personnage, ou... Ouais, c'est ça, et puis que, comme toujours, hein, il fallait qu'il tombe bas pour remonter tout en haut, donc du coup, est-ce que si le concert de Las Vegas avait été une réussite, on va dire, sans que ça soit extraordinaire, mais sans que ça soit raté, qu'est-ce qu'aurait été la suite si ça avait été un concert normal? Si ça se trouve, en 98, il aurait fait Bercy, il aurait pas fait... Enfin, on sait pas quelle aurait été l'histoire, comme en 66, s'il réussit à ce point-là son Olympia... avec Noir c'est noir, quand on a persévéré, etc. C'est aussi parce que un mois plus tôt, il est au plus mal, quoi. Ouais, une remise en question. Ouais, toujours ce besoin de se remettre en question à 1000%, quoi. Thibaut Geffrotin, l'auteur de Johnny par Jean-Philippe, dans l'émission Johnny de A à Z. Ne prends-tu jamais le temps en chemin de penser que tu vas trop loin? Arrête-toi et regarde un peu, tu verras combien sont malheureux. Ça t'est bien égal, tu ne fais que ce que tu veux. Et comment peux-tu vivre avec tout ça? Lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras, et toi on sait que tu n'en manques pas. Et tomber c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Et toi rien ne te fait peur, mais on apprend par ses erreurs. Pour combien tu perds la mémoire et tout va très bien. L'amour comme un refrain te prend, ne crois pas tout ce que tu entends, car ton rêve disparaîtra juste devant toi. Et comment peux-tu vivre avec tout ça? Oui, tomber c'est facile lorsqu'on sait qu'on bout dans les bras. Lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras, ouais. Toi tu veux de tout, tu te traînes dans la boue. Tu ne vis que pour la chair et c'est tout. Et si quelqu'un peut te garder, toi tu ne fais que passer, l'abandonnant tout comme un chien. Et sûr de toi lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. On passe dans les années 2000, à la page 270 de ton livre, hein, il y a un article du journal Libération. Est-ce que cette phrase-là te choque ? Johnny, le chanteur des pauvres, des tatoués. Non, ça me choque pas parce que je comprends ce qu'ils veulent dire. Ce qu'ils veulent dire là, c'est que Johnny était un des rares artistes qui s'adressait à tout le monde. Donc évidemment, Johnny, c'était pas que le chanteur des pauvres et le chanteur des tatoués, mais contrairement à d'autres, Johnny, il leur parlait. Parce que Johnny n'a jamais cessé de parler à tout le monde. Et moi, c'est ça que j'aime aussi chez Johnny, c'est que c'est un chanteur populaire qui, même en devenant le chanteur qui plaît à un public intello, par exemple, avec quelque chose de Tennessee avec Michel Berger, il s'est pas dit, c'est bon, moi je chante avec Berger, je chante avec Godard, j'en oublie ma frange de rockers, ceux qui sont toujours au premier rang, ceux qui m'ont jamais lâché, ceux qui aiment le rock pur et dur, ceux qui aiment quand je leur fais Blue Sweat Shoes et Tutti Frutti et qui se moquent du reste et qui me suivront quoi qu'il arrive. Malgré tout ça, malgré la Tour Eiffel, malgré les maisons de millionnaires où il a vécu dans tous les continents, Johnny est resté ce chanteur populaire qui s'adresse à tout le monde et qui ne chante pas qu'au Stade de France et à Bercy, mais qui chante partout en province, qui va vers les gens vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'à son ultime tournée en 2017, où honnêtement, franchement, qui on aurait voulu à Johnny de dire « je chante seulement à Paris, je pars pas en tournée », mais c'est Johnny qui voulait aller en tournée, parce qu'il savait qu'il allait à la rencontre de son public, comme il l'avait fait depuis le début. Et il a refait, hein, c'est ce qu'il a fait, hein, tu sais, pour les vieilles canailles. En 2014, c'était uniquement à Bercy, et puis après, il a dit à ses potes, je veux qu'on aille en tournée présenter le spectacle à tout le monde. Ben ouais, alors que je pense que Eddie et Jacques, eux, ils auraient peut-être préféré rester à Paris, ça les branchait pas trop de faire le Tour de France. Surtout Jacques, il voulait rester encore, celui. C'est ça. Mais voilà, c'est comme ça que je pourrais interpréter cette phrase, et c'est sur un aspect que j'aime chez Johnny, et qu'on comprend d'ailleurs en le lisant, en l'écoutant, que Johnny, malgré sa vie qui est devenue une vie incroyable de millionnaire, même s'il n'a peut-être pas été souvent millionnaire parce qu'il dépensait tout dans la seconde où il le gagnait, mais en soi, il l'était quand même, il est resté malgré tout proche des gens. Le matin, quand j'écoute les news, la mort se vend par paquet de 12, et ça me file le blues. Ça me prend la tête comme une picouse, je voudrais que ça change, je voudrais que ça bouge, et ça me file le blues. J'ai pas dit que j'allais changer le monde. Quand je pense aux gosses, je pense aux bombes. Tout ça c'est juste histoire de flouze, et ça me file le blues. J'ai pas dit que ce serait mieux ailleurs, qu'il y aurait une terre où on n'a pas peur. M'en veuillez pas si moi je vois rouge, et ça me file le blues. Y'a trop de méchants qui approuvent la connerie fasse toujours la cour, et ça me file le blues. Y'a trop de marchands de partout, et pas une vraie fleur sur la pelouse, et ça me file le blues. J'ai pas dit que je voulais changer le monde, pas faire de croche-pied à la ronde. Et quand j'ouvre vraiment les yeux, je suis pas heureux. J'ai pas défilé pour le prix de ma place au chaud au paradis. Y'a des matins, je peux pas être cool, et ça me file le blues. Changer le monde, mais du côté sourire immonde. Kalachnikov a trouvé son épouse, et ça me file le blues. j'ai pas dit que ce serait mieux ailleurs, qu'il y aurait une terre où on n'a pas peur. M'en veuillez pas si moi je vois rouge et ça me file le blues. Le matin quand j'écoute les news, la mort se vend par paquet de 12 et ça me file le blues. Oh, ça me file le blues. Parmi toutes ces interviews, est-ce qu'il y en a une qui a été un crève-cœur de ne pas pouvoir la mettre dans ton livre ? Oui, c'est une interview c'est que tu connais évidemment, puisque c'est toi qui m'avais envoyé le fichier. C'est l'interview du Martins en 1980, oui. Qui est dans une qui se passe en pleine nuit pour l'anniversaire de Johnny. Donc c'est quoi ? C'est ses 38 ans, si je calcule bien. 1980, ouais, oui, et, 37. Et donc celle-là, je voulais la mettre, mais bon, au bout d'un moment, déjà pour tout te dire, avec mon éditeur, on avait prévu un livre plutôt 300, 350 pages maximum. Puisque, bon, on en est 400, hein. Voilà. Le premier, il en avait fallu beaucoup de papier, hein, avec les 590 oui, pages, vrai. Ce qui n'était pas du tout prévu c'est non vrai. Plus. Donc forcément, j'ai dû en laisser de côté. Et celle-là, c'est vrai qu'elle me plaisait. Et j'essaierai de la réutiliser sur un autre projet plus tard, parce que Johnny est libéré, il donne une interview en plein milieu de la nuit, c'est très drôle. Il y a Michel Drucker qui passe et qui dit « Mais il est 1h du matin, Johnny m'a obligé à rester. Moi, normalement, je suis couché depuis 3 heures. » Enfin, c'est très, très, très, très drôle. Je pense qu'il fallait surtout laisser à Johnny le temps de savourer ce dîner d'anniversaire. Qu'est-ce que tu as mangé ? Eh bien, j'ai mangé du cochon grillé, j'ai mangé du méchoui, et puis de la salade, voilà. Enfin, il y avait plein d'autres choses, hein. Et attention, aussi des frites belges. Qu'on avait préparées spécialement attention. À ton intention. Avec, oui, avec une friteuse belge, à la graisse de bœuf, il faut bien le dire, avec de la mayonnaise, parce que ça se mange pas sans la mayonnaise, il faut le dire. Hein. C'est vrai. À tes côtés, il y a Michel Drucker qui est venu nous rejoindre, Sam Bernet, bien sûr, le maître de ces lieux. Michel qui reste sans voix, c'est le fait de voir Johnny, ça te laisse sans voix. Non, c'est pas tellement ça, mais moi qui sors jamais, je m'attendais à une petite réunion intime pour l'embrasser sur les deux joues, et j'ai l'impression que c'est la sortie du Parc des Princes. Il m'a embrassé sur les deux joues. Je sors jamais, moi, André. Je sors pour lui parce que je lui ai promis, ouais, parce que... Enfin, dis donc, il était temps que tu sortes, hein. Oui, je suis venu embrasser Johnny. D'ailleurs, je vais lui souhaiter heureux anniversaire à la télé dimanche car il vient dans l'émission. C'est un beau cadeau qu'il nous a fait. Et puis parce que je vais lui dire une chose qu'on ne dit pas à un homme, mais je l'aime depuis très longtemps. Alors, je trouve pas d'autres mots pour lui dire. Même depuis très longtemps, il faut dire un truc, c'est que je fais son émission la semaine prochaine. Et je cherchais vraiment l'émission... avant de partir en tournée que j'allais faire, et puis bon, évidemment, je n'ai pu trouver que la meilleure, ça c'est... Formidable hommage de Johnny à Michel, double hommage d'ailleurs, mais c'est vrai, Johnny, qu'autour de toi ici, Il y a énormément de très jolies filles, de pratiquement le tout Paris qui chante et qui pétille. Et je crois que surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde t'aime. Eh, dis-moi, c'est normal qu'il y ait de jolies filles ce soir, non? C'est tout à fait normal, mais ce qui est tout à fait exceptionnel... Il y a Michel Drucker ce soir. C'est vrai qu'il y a Michel. Il y a Dave, et il y a aux côtés de Michel, il vient de s'en apercevoir. Il y a surtout Alan. Il y a Alan qui ne te quitte pas cette semaine. Il amène toutes les jolies filles de Paris. On va se pousser un petit peu car il y a une très jolie femme qui vient d'arriver. On va lui laisser notre place. C'est Catherine Deneuve. Catherine. Oui. Bon anniversaire à Johnny Hallyday. Absolument. Bon anniversaire. Moi je suis complètement assommé par le bruit. Oui, il n'a pas le casque. Oui, j'ai pas le casque et c'est la première fois que j'assiste à un anniversaire aussi intime. Je crois que c'est très difficile, ça y est, maintenant c'est Dave qui a pris ma place à côté de Jenny. Ça va vraiment pas être facile de te parler ce soir, Jenny. Ouais, évidemment, chaque fois que je parle avec Dave, tu nous coupes la conversation. Ben, moi, je peux jamais lui parler jusqu'au bout avec lui. Qu'est-ce que tu étais en train de lui dire? Quoi? Qu'est-ce que tu lui disais? Ben, je lui parlais de choses très... je lui parlais de rock'n'roll. Voilà, c'était pas des choses personnelles alors. Non, c'est tout à fait. On parlait métier, on parlait musique, on parlait des choses agréables. Non, on est en train de parler de sa tournée qu'il allait faire et de la mienne que j'allais commencer. Voilà, c'est l'interview par exemple que j'aurais bien aimé mettre. Il y a aussi, tu sais, je t'avais envoyé un document également, c'était lors d'une grande parade de RTL en 1980, toujours 1980, où Johnny parle de sa séparation avec Sylvie, que Sylvie. Aller vivre sa vie, mais qu'un jour ou l'autre, ils allaient se retrouver et reviendraient dans ses bras. Et oui, bah oui, c'était... C'est intéressant, celle-là aussi, Johnny un peu déprimé et tout ça, et puis en fin de compte, qu'il avait espoir d'eux. Et qu'il y avait espoir, ouais. Et ce qui permet d'ailleurs de comprendre toutes les chansons de cette époque, écrites d'ailleurs pour la plupart par Michel Mallory, où si on écoute les chansons de l'album Hollywood de 79 et de l'album à partir de maintenant, elles s'adressent quasiment toutes à Sylvie et c'est toutes je t'aime toujours, reviens en gros, c'est ça que ça veut dire. Dommage pour notre amour, il s'est brisé jour après jour, etc. Quoi. Oui, qu'est-ce qu'elle fait fait à partir de maintenant? Ça y est, maintenant, voilà. Exactement, c'est parce que c'est Sylvie qui était partie. On pourrait croire longtemps après que c'est Johnny qui. Mais Johnny, lui, Même s'il allait à droite à gauche toutes les 50 secondes, je crois qu'il aimait bien, et c'est Michel Mallory qui me l'avait expliqué ça, que Sylvie, à ce moment-là, c'était sa femme, mais c'était aussi sa mère, c'était aussi sa sœur. Et Johnny, du coup, il sortait complètement d'un cadre. Quoi. Et oui. Et même s'il sortait lui-même du cadre, mais du coup, comme il avait la possibilité d'y rentrer, ça lui suffisait. Mais bon, forcément, ça suffisait pas aux deux. Mais un message, surtout ne pas prendre sa femme pour sa mère, surtout pas. Surtout pas. ça va pas du tout là. Thibaut Geffrotin, l'auteur de Johnny par Jean-Philippe, dans l'émission Johnny de A à Z. Je n'ai plus rien à te donner. Mon cœur est une ville abandonnée. Mes yeux sont secs d'avoir trop pleuré. Laisse-moi. So de temps as-tu mis pour regrouper toutes ces interviews-là? Parce que donc, il y a de quoi lire, hein? Les revues, les vidéos, les radios, les interviews radio, tout ça à suivre. Combien ça t'a pris de temps pour écrire ce livre, alors? Reconstituer toutes ces interviews. Ces quelques interviews, parce qu'il y en a qui ont été écartées. C'est difficile à dire, parce que j'ai fait ça évidemment en plus de mon travail, donc c'était des heures par-ci par-là. Parfois même, mon travail, si j'avais une heure de libre entre deux, ben, j'écoutais des interviews. J'ai parfois écouté des interviews même pendant des matchs de foot, parce que je suis journaliste sportif et que j'aurais dû me concentrer sur matchs de foot, mais bon, j'avais quand même une oreille sur l'interview. En gros, c'est quasiment un an de travail, mais c'est difficile à quantifier puisque forcément c'était à différents moments. J'ai fait une petite pause après à la naissance de mon petit garçon. Ah, bien sûr, bien sûr, attends. Marin. Et il me restait un chapitre à écrire que j'ai écrit dans les dernières semaines avant de partir à l'impression début septembre. Donc t'as toujours pas de sujet pour le troisième livre, mais ça va venir. Hein, je suis sûr que tu vas en faire un autre. Ça va forcément venir. Rien n'est prévu pour l'instant, mais il y a tellement à en dire, il y a tellement à écrire, et c'est tellement passionnant de chercher encore plus loin. En fait, c'est ça qui est intéressant, de toujours dans cette volonté de comprendre qui était Johnny, parce que Johnny, de toute façon, tes auditeurs le savent, hein, parce que je sais que tes auditeurs sont des gens pointus, des gens qui l'ont suivi en tournée, qui connaissent ses disques, etc. C'est un personnage très complexe, et on peut passer des heures à en discuter, à l'écouter, etc., sans s'enlacer, parce qu'il y a plein de choses sur sa construction, sur ses revirements musicaux aussi, sur ses choix, sur son histoire personnelle. Donc il y a un million de choses qu'on peut écrire encore sur lui. Et on le fera. Je le ferai, Jean-François aussi. Et toi aussi, peut-être. Ah, ben qui sait. Tiens, à moins qu'on me dise... moi, il faut commencer doucement avec moi, tu sais. Il faut me dire, tiens, ça t'intéresserait de participer. Voilà, une participation à la rigueur, ça, c'est faisable. Mais lancer tout ça dans un projet, je sais pas encore. Faut voir ça, parce que je connais pas toutes les ficelles, c'est pour ça. Mais c'est vrai que il faut avoir quelques adresses d'abord, hein, je pense. Hein. Il faut avoir... mais bon, toi, après toi, vu que t'es journaliste, donc tu as peut-être... Ouais. Forcément, les portes ouvertes, ou avoir des possibilités, ou un entourage. Moi, la collection, comme je te disais, c'était grâce à Jean-François Chenu, que j'avais connu sur le forum Universal Music. Et ensuite, mon livre, c'est grâce, figure-toi, à Robin Lemesurier. Puisque Robin a sorti son livre, Mes 1000 concerts avec Johnny, avec mon éditeur actuel. Et lorsque Robin est venu à Paris pour faire la promotion de son livre, j'ai été voir Robin pour faire une interview pour le journal Le Point, pour qui je travaille. Et forcément, j'avais une idée très précise en tête, d'une étoile dans nos yeux, du livre que j'avais envie d'écrire. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré l'éditeur de Robin. Et j'ai glissé que j'avais une idée en tête. Et tout de suite, je suis tombé sur un éditeur qui avait envie de s'intéresser à Johnny et qui a écouté mon projet. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Donc, c'est assez amusant de se dire que c'est grâce au guitariste préféré de Johnny que j'ai pu écrire ce livre, quoi. Sinon, je ne sais pas si je l'aurais écrit, parce que je l'avais déjà proposé à deux éditeurs auparavant, mais qu'il avait refusé. Pour quelle raison, tu le sais? Parce qu'il y a plein de propositions, il disait peut-être plus tard, etc. Il y a beaucoup de livres sur Johnny, etc. C'est ça aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres sur Johnny, mais il faut chercher l'angle original. C'est ça. Est-ce que tu penses que le marché des livres sur Johnny est un peu saturé actuellement, après sa disparition, justement? Mais saturé, je pense que non, parce que dans la mesure où les éditeurs continuent à faire des projets, ça veut dire que les livres se vendent et que ça marche. Parce que bon, les éditeurs, ce ne sont pas des philanthropes, donc si un jour le livre Johnny ne marche plus, ils vont passer à autre chose, et ils vont nous laisser tout seuls avec notre passion. Après, forcément, il y a tellement de livres qui sortent que je veux pas trop en parler et dire qu'il y en a qui sont très bien, d'autres qui sont moins bien, parce que j'ai pas eu le temps de tous les lire. Moi non plus. Mais après, je suis pas certain que tous soit vraiment absolument exceptionnel, mais sans avoir eu le temps de les lire, je ne me permettrai pas de dire qu'un tel est moins bien, etc. En tout cas, les livres de Jean-François Chenu, eux, je les ai lus, et c'est toujours une valeur sûre. Ça, c'est toujours les livres que je lis en premier quand je les reçois. Et ceux de Frédéric Quinonero, il faut le dire aussi. Oui, absolument. Mais je le cite d'ailleurs dans mon prologue. Exactement. Le livre de Frédéric sur le Johnny immortel, ouais. qui fait 900 pages, c'est une bible qui est toujours sur mon bureau. Et quand il y a besoin d'aller vérifier quelque chose, je vais toujours voir sur son livre. Frédéric, un infidèle aussi qui participe à l'émission Johnny 2 à Z, bien entendu. j'ai besoin d'un ami pour réchauffer ma vie, pour les jours sans amour et d'ennui. Que ce soit un vieil homme, un enfant, mais quelqu'un qui sourit et qui me tend de la main. Je suis seul dans la ville, je ne suis qu'un passant, un visage sans nom parmi les indifférents. Moi j'ai besoin d'un ami qui saurait m'écouter pour m'aider à oublier le passé. D'un ami pour réchauffer ma vie, pour m'aider à oublier que je t'aimais. T'as dit, on va sortir un peu de ton livre un petit peu pour encore te connaître. Merci. T'as une période préférée sur Johnny Hallyday? Dès que toi, en plus, tu l'as connu en 98, enfin, non, en 80, on va dire en 86, parce qu'avec l'album Gang, mais non, 98, non ? Ouais, 98, et alors c'était même pas 98 en plus, puisque quand je découvre la cassette, on doit être en 2001. Ah ben voilà. L'année où je deviens fan, c'est 2001, après j'ai écouté déjà quelques chansons avant. À une période préférée, c'est très difficile. Parce que maintenant, vu qu'on a élargi un peu ton espace culturel sur Johnny Hallyday, grâce à cette aussi collection Hachette qui a pu à la rigueur t'étioler un peu toute cette période-là, vraiment connaître Johnny Hallyday de 1960 jusqu'à 2017. C'est vrai que des fois, des jeunes comme toi peuvent uniquement se cantonner à la période où ils l'ont découvert et ne pas forcément écouter ce qui se passait dans le passé. Mais moi, je me souviens quand j'étais à la fac, il y avait un espace culturel, un parvis de Leclerc là à côté, et donc j'y allais régulièrement et je prenais un album de temps en temps. Mm-hmm. Et je changeais d'époque, c'est-à-dire que j'achetais l'album La Peur par exemple, et la semaine suivante j'allais acheter l'album des disques Vogue par exemple. Mm-hmm. J'ai tout de suite découvert un peu toutes les époques, mais petit à petit. Je me souviens, c'est un fan qui s'appelle Didier, avec qui je discutais, qui était aussi sur le forum Universal Music, qui m'avait dit: prends ton temps, il y a tellement de trucs de Johnny, n'écoute pas tout sur internet d'un coup, achète les albums au fur et à mesure. Et du coup j'avais suivi son conseil et c'était vraiment une super idée parce que j'avais pu comme ça prendre le temps. C'est difficile de dire une période préférée. Alors sur scène, évidemment que moi, mon Johnny, c'est le Johnny que j'ai suivi en tournée, donc c'est la tournée 2012, c'est le Rester Vivant Tour qui était extraordinaire, 2015-2016. Mon Johnny, c'est celui-là. Mais pour moi, la période discographique la plus forte, la plus puissante, c'est 66-76 même, je dirais, parce qu'il y a l'album Hamlet. C'est La Génération Perdue, c'est Rêve et Amour, c'est Insolitude, c'est même... Les années Sound Olympique, les années Keith Jones et Tommy Brown, et aussi Michel Mallory. Voilà, c'est cette période-là, cette décennie-là, voilà, qui est très très forte. Et c'est ma préférée également. Ouais. Parce que c'est très très riche, et c'est le genre d'album qu'on pourrait écouter tout le temps sans jamais s'en lasser, même des titres pas connus qui sont formidables, comme Le Sorcier et le Maudit par exemple. Mm-hmm. Que j'adore, comme La Rue est vers l'or aussi, qui est un titre très très country, qui est inconnu aussi, mais titre original chanté par Glenn Campbell. Absolument. Que j'ai diffusé récemment dans l'émission Johnny de A à Z. Voilà. Il y a l'histoire de Bobby McGee aussi, que Johnny d'ailleurs voulait, avait prévu, malheureusement, ça c'est toujours triste quand on pense à ça, que Johnny voulait rechanter l'histoire de Bobby McGee, enfin chanter d'ailleurs, ce qu'il n'avait jamais fait sur scène. Non. Il voulait faire Bobby McGee sur scène. Alors est-ce qu'il voulait la faire en français ou dans la version originale de Janis Joplin, ça j'en sais rien. Mais c'est Laetitia qui me l'a dit après le décès de Johnny. Que Johnny avait imprimé les paroles, et je raconte ça dans Une toile dans les yeux, il s'était imprimé les paroles et il voulait rechanter cette chanson. Et ça fait partie de toute cette époque. Mais bien sûr, cette époque fantastique. C'est une époque. Mais après, tu vois, je te dis ça, mais tu vois, l'album Quelque part un aigle, je l'adore. Quoi. Une chanson comme Losto, je la trouve incroyable, la hargne qu'il aimait, les paroles, elles sont à la fois absurdes mais aussi très littéraires, c'est super bien écrit. C'est du billon, quoi, et moi j'aime bien ça. Alors si tu me demandes quels sont mes 10 albums préférés, je vais pas mettre Quelque part un aigle. Mais si tu me dis que je vais pas écouter Quelque part un aigle pendant un an, bah, ça va me manquer, c'est pas possible. Mm-hmm. Pour moi, il y a du bon dans chaque époque, et même dans les albums qu'on dit faibles. Par exemple, l'album À partir de maintenant, qui est peut-être le plus faible de Johnny, Le chanteur sans amour, c'est dans celui-là, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mallory. Voilà, tu peux pas dire qu'À partir de maintenant est un mauvais album quand tu as Le chanteur sans amour dans cet album, par exemple, c'est pas possible. Moi, je te dis, il y a Michel Mallory dedans, c'est pas mauvais. Voilà, exactement. Donc, il y a du bon un peu partout. Et les derniers albums, les derniers albums, ils sont incroyables aussi. C'est vrai, les textes sont super, c'est du grand Johnny, la musique est super. Les derniers albums, ils sont merveilleux. Rester vivant, il est fantastique cet album. Et le dernier, n'en parlons pas. Le dernier, je peux l'écouter en boucle sans m'arrêter. Quoi. Ouais, ouais. Et t'as préféré du dernier album ? Les 9 chansons sont. Quelle est ta préférée du dernier album, par exemple ? Ma préférée du dernier album, c'est difficile. Mon pays, c'est l'amour. Parce qu'il a une voix tellement incroyable quand il part comme ça dans les aigus avec sa voix, c'est extraordinaire. Mon pays, c'est l'amour. Mais j'en parlerai au diable. Je ne suis qu'un homme. En plus, ça me rappelle Saint-Barthes, ces chansons, parce que le hasard a fait qu'on était à Saint-Barthes avec ma femme. On était à Saint-Barthes quand l'album est sorti. Mm-hmm. Donc on a découvert l'album à Saint-Barthes. Et donc forcément, on l'écoutait toute la journée dans la voiture en permanence, puisqu'on venait de le découvrir. Donc du coup, pour moi, ces chansons, elles sont liées à Saint-Barthes, où quand on était en voiture sur la direction du cimetière de Lorient, du magnifique cimetière de Lorient, où Johnny est très bien, du coup, on écoutait cet album. Donc du coup, c'est toujours émouvant de la moindre chanson, et encore plus, J'en parlerai au diable, ou Je ne suis qu'un homme, je ne sais pas pourquoi. Ces chansons me font systématiquement, je vois Johnny, je vois le sable de Saint-Barthes. Peut-être le fait que justement, c'est des titres, on va dire, posthumes, on va dire. C'est vraiment des titres posthumes qui reflètent le personnage, ou que c'est un après, ou je sais pas comment dire. Parce qu'on quand on l'a découvert, Johnny était plus là depuis déjà presque un an. Donc du coup, on était déjà dans une vie qu'on a tous essayé de mener sans Johnny Hallyday, une vie où on se... Voilà, où on se dit plus, qu'est-ce que fait Johnny en ce moment, on va aller en tournée, est-ce que toi t'as pris tes places pour le Zénith de telle ville ou Bercy ou je sais pas quoi. Voilà, on avait déjà commencé cette vie-là. Oui. Et pourtant, on l'attendait cette tournée, justement, avant qu'il trépasse, on l'attendait cette tournée, puisqu'il l'avait annoncé, et donc on se dit super, ouais. C'est reparti. Ouais. Bah écoute, on est pas mal, non hein? Bah oui, écoute, hein, je pense qu'on a bien. On a bien parlé, fait. Hein. Oh, chérie, ma chérie, ne me cherche pas, j'ai déjà assez de moi. Mes nuits sont trop courtes et mes jours bien trop longs. Je n'ai pas d'excuses, mais pardon. Oh, chérie, ma chérie, si certains me croient capable de n'importe quoi, ouais, je sais où je vais, le diable me connaît, il ne voudra pas de moi. Je tiendrai bon, même sur le fil. Je tiendrai bon. Regarde ma carte, regarde mes Jagger. Y'a combien d'euros compteurs? Et vas-y, demande-leur d'aller cueillir des fleurs et d'arrêter de faire chanteur. Ma chérie, ma chérie, je suis debout et debout. Oui, les centres dans ma voix ne m'empêcheront pas de chanter un vieux rock'n'roll. Mais sur le fil, je tiendrai bon. Même sur le fil, ouais, je tiendrai bon. Même sur le style. La vie ne passe pas moins vite parce qu'on a peur de vivre. Il y a toujours à la limite, c'est vrai qu'il faut me suivre. Mais sur le fil, je tiendrai bon. Même sur le fil, je tiendrai bon. Sur le fil, hey, je tiendrai bon. Même sur le fil, je tiendrai bon. Même Merci Thibaut pour cette interview que tu m'as offerte gracieusement. Merci pour tous ces échanges, c'était vraiment super. Et puis je rappelle évidemment, hein, donc le livre, tiens, faut que je le présente à l'antenne. Il n'y a pas de caméra. Où sont les caméras? Où sont les caméras? Johnny par Jean-Philippe aux éditions Talent Édition, si vous préférez. Voilà. Johnny par Jean-Philippe, ses plus belles interviews. Merci encore Thibaut d'avoir participé à cette émission. Et puis on se retrouvera très très bientôt. Et merci beaucoup Eric, c'était un plaisir de faire cette émission. Salut à tous les rigueurs, salut à tous les bordelais. Et puis comme j'aime le foot, hein, bon courage à tous les supporters des Girondins de Bordeaux. Merde, vous inquiétez merde. Pas. On se retrouve en deuxième division. Hein non, ça va tenir ligue... malgré tout. En Ligue 2. Merci beaucoup en tout cas pour ton invitation. Avec grand plaisir Thibaut, à très bientôt, merci encore. Et puis je vous conseille évidemment de lire son livre. Et puis si vous ne l'avez pas encore acheté, mais allez jetez-le et offrez-le pour Noël. Ouais, c'est ce qu'il faut. Il est très intéressant à lire et vraiment, on vous le conseille ici de la rédaction de Johnny de A à Z. Ok. Merci Thibaut, à très bientôt. Merci, à très bientôt, salut. Ciao.